les métros à Paris. Y'a des auteurs qui collent aux semelles. Y'a des gens de tous les pays. Y'a des parfums qui ensorcellent. Dans le métro à Paris, y'a des clodos qui parlent tout seuls. Une petite pièce pour la vie, un litron pour se bourrer la gueule. Dans le métro à Paris, les gens courent dans tous les sens. Le lundi c'est la folie, le dimanche c'est les vacances. Dans le métro à Paris, y'a des femmes pour tous les types. Y'a des branchés, y'a des hippies. Y'a des mamies qui les critiquent. Et moi je reste assis dans les wagons de la rame. Je pense à mes amis, à l'amour et au charme. Car je veux quitter Paris sans une larme. Y'en a qui déclarent leur amour, parfois pour une nuit, et d'autres diront pour toujours. Dans le métro à Paris, toutes les musiques s'entremêlent. Des grattes sèches, des gypsies, aux percussions africaines. Dans le métro à Paris, y'a des âmes suicidaires. Des gens qui jouent avec leur vie pour épater leurs petits frères. Dans le métro à Paris, dans le métro à Paris, dans le métro à Paris. Dans les wagons de la rame, je pense à mes amis, à l'amour et au charme. Car je veux quitter Paris sans une larme. Paris sans une larme.